قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمنو الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في الصحيح. يقول أبو موسى صلو المسجد الله صلى الله عليه وسلم trois ne rentreront pas au paradis. L'ivrogne, celui qui est dépendant de l'alcool, celui qui coupe le lien de parenté, et celui qui croit à la sorcellerie. Celui qui croit à la sorcellerie. Ce hadith, Tafkurun Matama Rabina, on en a parlé de ce hadith. Qui s'en rappelle? Fi kitabin akhar. Dans un autre livre. Dans Al-Wala Al-Bara. Asile composé à Cheikh Fawzan. Souila an hadha al-hadith. Kayfa yu'awwal? Tadhkurun? Tadhkur? Tayyib. Les hadiths, on les prend comme il est venu. À la zahiri. Ghayra anna shurb al-khamr laysa bikufr. Fait de boire de l'alcool, ce n'est pas du kufr. Illa mata. Mata yakun kufran. Aywa. Si le rend halal. Quelqu'un qui le rend halal. Il se halal de boire de l'alcool. Lui, quand les preuves sont parvenues, s'il persiste, il m'y croit. D'ailleurs, il y avait des gens, à l'époque de Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, qui s'étaient servis du aya laysa allazina amanu wa amilu salihati fima ta'imu junahun. Ce verset était venu pour ceux qui avaient bu d'alcool et qui sont morts avec l'alcool dans le ventre. Donc des gens, dans le verset dit qu'il n'y a pas de grief pour ceux qui ont bu d'alcool s'ils étaient des gens bienfaisants, des gens de la piété et de la croyance. Donc des gens ont voulu dire par là, bah, si on boit mais qu'on est pieux, alors cela est permis. Omar, il a dit là, ce verset est descendu pour des gens qui ont bu de l'alcool avant de connaître son interdiction. Donc ils sont excusés. D'accord? Donc il a dit quoi? Soit il leur mettait, il leur faisait subir le had, d'accord, ce qu'ils ont fait, et s'ils persistaient, ils ont été tués, riddatan. Parce qu'ils auraient dit cela halal. Ils ont fait tauba, bien sûr. C'est-à-dire, ils étaient entre deux choses. Soit, vous faites frapper pour avoir bu de l'alcool volontairement, ou soit alors, vous ferez tuer pour en avoir du halal, ce qui est haram. Et l'alcool, parmi les preuves qui montrent qu'il n'est pas du kufr, fi hadith ibn Omar, عند مسلم, قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام فمن شربها في الدنيا ومدمن يدمنها ولم يتوب لم يشربها في الجنة. Celui, il a dit que tout enivrant est appelé khamr, c'est-à-dire alcool. Et tout alcool est haram. Et toute personne qui en aura bu et en étant en addiction à l'alcool, c'est-à-dire en continu, qui sera mort sans avoir fait tauba, n'en boira pas au Jannah, au paradis. Donc si jamais ça avait été du kufr, il aurait dit, en fait c'était le Jannah. Il a dit, il est au finar, khalidan fiha. Juste au Jannah, il en sera privé. Bien que le khamr qui est au Jannah n'est pas le même que celui qui est dans la dunya. Ce n'est pas le même. وكذلك على زمن الصحابه من شرب من الخمر ولم يقتل ردة. D'accord, parmi les sahaba, les gens qui ont bu de l'alcool à leur époque n'ont pas été tués comme le ridda. Donc ce n'est pas du kouf de boire de l'alcool. Et aussi une choubouette que les gens ils ont par rapport au kilomètre khamr, ils disent que cela c'est propre qu'au vin. Et c'est pour le vin. Le vin, ce qui est pressé à partir de raisins. Ils disent donc, ils veulent jouer avec ce genre de paroles, on dit que ce qui est autre que le vin, on peut en boire, en alcool. Par exemple, la bière, le champagne. Le champagne, c'est à base de pommes, ça? Ou raisin blanc? Pomme? Si j'ai un doute, c'est raisin blanc ou pomme. Whisky, tout, vodka, tous les autres alcools qui ne sont pas faits à partir de raisin. Ils disent que c'était juste le vin qui est interdit. On dit là, le hadith l'a bien dit. Kullu muskir kham. Tout enivrant est appelé kham. Même la drogue, on va l'appeler kham. On va l'appeler kham. Donc ça rentre dedans. Et soumiya khabr, il y en a où yukhamir al-aql. Parce que ça recouvre la raison. Ça recouvre la raison. Et tout simplement, bi al-khaba'if. La merde de turpitude. Car l'alcool a été rendu interdit, car il fait perdre la raison à l'homme. Et une fois que l'homme a perdu la raison, il commet les pires des actes. Wa kama ta'lamun ma hiya ad-darurat al-khams. Les cinq points essentiels en religion que l'argent est venu préserver. Que sont-ils? Ad-darurat al-khams. Les cinq, c'est quoi? Nasal. Aya. La religion, la croyance, la vie, protéger la vie, car des vies qui sont interdites, même chez les koufars, les biens des gens pour protéger, la raison de l'homme, et après il y a un khilaf entre le ilm, l'honneur ou la généalogie. La généalogie. Et ce hadith, lui, touche trois points de ces darurat al-khams. L'alcoolique, donc la raison. Qati al-rahim, c'est quoi? Celui qui rompt les liens de parenté, c'est la généalogie. Et moussadik al-sihr, celui qui croit à la sorcellerie, c'est quoi ça? Ad-din. Ad-din. Et le khamr, nuzul fihi kana bitadarruj bi hikma. La traduction par rapport au khamr est venue par étapes. Car bon, les Arabes vivent de l'alcool. Les Arabes vivent de l'alcool. Donc, le bloquer du jour au lendemain, c'est une chose qui a été difficile pour eux. Donc, en premier lieu, dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْنَفْعِهِمَا » Tu t'interroges à propos de l'alcool et des jets de hasard. Dis que tous les deux contiennent du mal et également des avantages du bien. Mais que leur mal est plus grand que leur bien. Donc ça, c'est la première avertissement. On peut dire que l'alcool apporte plus de mal que de bien. Première mou'iza, surat al-Baqara. Deuxième, c'est surat al-Nisa. Qala ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu, la taqrabu salat wa antum sukara, hatta ta'lamu ma taqulu. Oh, vous qui avez cru, n'approchez pas de la salat alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous disiez. Ça veut dire que là, tu ne peux plus boire aux heures où une salade pouvait venir après. C'est-à-dire que les gens ne buvaient que quand? La nuit. Quand il y a longtemps entre l'Isha et le Fajr. Ou alors peut-être entre le Fajr et le Dhor. D'accord? Donc c'est pour amoindrir de la consommation. Le troisième verset, c'est dans Al-Ma'idah. Yaqul Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhal ladhina amanu, innama al-khamru wal-maysir wal-ansabu al-azlam, rijsun min amali shaytan fajtanibuhu, la'allakum tuflihun. Pour vous qui avez cru, sachez que l'alcool, les jeux de hasard et le tirage au sort par les flèches et autres sont des actes de shaitan. Éloignez-vous-en afin que vous puissiez réussir. Que shaitan, il veut juste vous obstruer le chemin vers la salat et vers le rappel d'Allah par l'alcool. Donc cessez. Dans le verset dit, « Fahel antum muntahun » C'est une forme interrogatoire. Ou interrogative, je ne sais plus comment on dit. Donc allez-vous donc cesser. Et en réalité, le sens est un ordre. Cesser, ça veut dire. Pourquoi? Car lorsque Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu a entendu ce verset, il a dit intahayna, intahayna. Il n'a pas dit na'am. Si on te dit, vas-tu arrêter? Tu vas dire oui, je vais arrêter. Il a dit non, on arrête. Il va dire quoi? Arrêter, d'accord, on arrête. D'accord? Ils ont compris le sens du verset, ils voulaient dire quoi par là? C'était pas une question, c'est un ordre. Car des fois, tu as des ordres dans le Coran qui viennent sous la forme d'informations, une chose qui est affirmée, ou une chose qui est interrogative, alors c'est un ordre à la base. Comme on prend dans Usul al-Fiqh, Inch'Allah. Donc là, et de là, les sahaba ont cassé tout ce qu'il y avait comme alcool, et ils ont déversé dans les rues d'El-Médina. Et de ce fait-là, des ulama disent que l'alcool n'est pas une impureté. D'accord ? Car si ça avait été une impureté, ils n'auraient pas déversé dans les rues. Après, c'est déversé dans les rues parce qu'après, tu marches dedans ou quoi, ou quoi, ou quoi. Non. Mais c'est pas tout ce qui est rijs dans le Coran qui est impur. C'est quelque chose qui est mauvaise, qui n'est pas forcément impur. Donc, vous voyez la hikmah par rapport à l'alcool. Maintenant, la question que les gens se posent, il y a « Wahid aslam jadid » هو مثلا المدمن بالخمر هل يا يسلك هذا المسلك التدرج est-ce qu'on lui fait arrêter l'alcool par étapes comme dans le verset on dit là il arrête tout de suite les gens d'islam après car ces versets là ont été abrogés donc le jugement n'est plus valable d'accord parce qu'au début c'est comme si on disait quelqu'un qui connaît pas l'islam au début en islam on faisait deux salades par jour le matin et le soir. Est-ce qu'on fait pareil pour un rendu? Non, il commence direct 5 salats. Ou akada. Donc la personne, on l'incite à arrêter autant que possible. On l'encourage, et également on lui fait peur des menaces que ce encoule l'alcool, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, c'est dit que Allah a maudit 10 personnes, 10 choses. Le khamr, wa asirura, celui qui le presse, wa hamilura, celui qui le transporte, wa bayura, celui qui le vend, celui qui l'achète. Sharibuha, celui qui le boit. Wa saqihi, celui qui le verse. Et j'ai oublié. Il y en a, c'est l'alcool en lui-même. Et j'ai oublié l'autre. Bref. Donc, l'alcool, celui qui en consomme, la sentence, c'est à la base qu'il se fasse frapper par le gouverneur. Après, c'est le gouverneur qui voit فلا مصلحة من قيمة وهكذا من قبل كان يقتل ثم نسخ celui qui vit de l'alcool plus de 3 fois qui s'était fait dévoiler on le tuait après c'était abrogé نعم نسخ مرة الأولى يدربوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدربوه ثم يدربوه ثم اقتلوه après c'était abrogé donc l'alcool c'est une chose qui amène à beaucoup beaucoup de mal et s'englobe toutes les formes de drogue. Il y a une histoire qui était citée dans Talbis Iblis de Ibn Jawzi. Je ne sais pas si elle est vraie ou quoi, mais elle renferme beaucoup de hikam. Un homme pieux, il lui a été dit, trois choses ont été contraintes. Il a été contraint de trois choses. Il dit, soit tu fais zina avec cette femme-là, soit tu tues cet enfant-là, ou soit tu bois de l'alcool. Il a dit, Ahwan de Salasa, Sharab al-Khamr. Il a bu de l'alcool, il a perdu la raison, il a violé la femme et il a tué l'enfant. Au final, il a fait les trois. À cause de quoi? De l'alcool. Voilà, azabillah. Combien de mots arrivent avec l'alcool, de meurtres, d'accidents, des gens qui sont à la base en bonne relation, il suffit qu'ils soient ivres, c'est la haine entre eux. Il a dit, le shaitan veut juste mettre entre vous la haine et la discorde par l'alcool, comme dans le verset. Donc toute personne qui t'appelle, soi-disant, à l'harmonie, à la paix, et qui est aux alcools, on dit, là, tu sais pas c'est quoi la paix et l'harmonie. Mais l'alcool est interdit pour cela. Et ça, tu trouveras qu'en islam. Chez les gens du livre, est-ce que cela est interdit de base? Il y a des hadiths qui prouvent que chez les oumams sabiqa, ils buvaient de l'alcool. Il y avait un hadith d'un homme qui avait un singe, et qui vendait de l'alcool sur un bateau. Quand les gens passaient. Hadith, Sahahu Shamokbel. Il avait un singe avec lui. Et cet homme-là, il trompait les gens. Car il mélangeait à l'alcool avec de l'eau. Il coupait l'alcool avec de l'eau. Donc, le singe, dès que quelqu'un achetait de l'alcool, il prenait l'argent et il mettait dans une boîte. 2 dinars. Et le singe, sans que le maître s'en rende compte, il prenait 1 dinar à chaque fois, il le jetait dans la mer. À chaque fois. Il prend 2 dinars dans sa boîte. Fais pas attention. Si je prends 1 dinar, il le jette dans la mer. Pourquoi? Pour l'escroquerie qu'il faisait. Donc ce hadith laisse entendre que cela a été permis à leur époque. Sans quoi, ils ont acheté toute la boîte directement. D'accord? Par Allah ou Ta'ala alam.